Bon, c'est ça. C'est notre crise de faute. Puis, m'a dire une chose, c'est votre crise de faute. OK? Parce que je vous le dis assez souvent, puis je vous l'explique assez souvent, de 50 000 façons, c'est votre maudite faute, puis c'est la faute de votre ego. OK? C'est de votre faute. C'est pas de leur faute. C'est de votre faute parce qu'ils ont sur la Terre un représentant parfait d'intelligence. Fait que c'est de votre faute. C'est pas de leur faute. Ils peuvent pas faire autrement. C'est de votre faute. Tout le monde, là, si vous pensez pas intelligent, vous ne serez pas. Pognez-les à twist. C'est votre faute. Parce que moi, je sais que tous les outils, tant que je suis ici, tous les outils concernant le rapport entre l'homme et les trois principes sont donnés à l'homme. Ça fait partie de mon instruction, ça fait partie de mon mandat. Je suis venu ici pour ça. Puis je le fais parfaitement, il n'y a pas de faille. Fait que si vous ne pognez pas à twist, c'est votre maudite faute. Comment même que vous chialeriez? Je m'en sac comme dans la galère, tout ça, je dis, j'ai pas de sympathie pour l'homme. Je suis patient, mais j'ai pas de sympathie. Quand on ne parle pas des gens, les autres n'auront pas rien faire. Exactement. C'est ça, quand il y en a parmi vous autres qui sont intelligents, je le dis à tout le monde. Quand je dis Daniel Machin, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Daniel Ménard, il est intelligent, il est intelligent. Croteau, il est intelligent, il est intelligent. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ils disent, comment ça se fait que c'est tous vous les autres qui parlent? Je m'en fais exprès, mais continuez de même. Eh oui, il faut pas de médias. Il y en a bien qui sont intelligents. Elle est intelligente. Elle la rentre dans son intelligence. Lui, il commence à être intelligent. Lui, il a l'intelligence silencieuse. Pas le temps encore qu'il se manifeste. Hein. Elle, la femme Arbec, elle commence à être intelligente. Arbec, pas Arbec, comment ça s'appelle? En tout cas. Il y a bien. La belle enfant, ça commence à être intelligent. Ça grandit, cette affaire d'intelligence-là. La petite, elle commence à être intelligente. Elle est pas mal avant ça, son intelligence. Des fois, elle se pogne dans le coin. Il y a bien qui sont intelligents. Gisèle est intelligente. Il y a bien qui sont intelligents. Faut regarder, j'en passe. Tu comprends ce que je veux dire? On a tout, on grandit dans ce temps-là. Mais il faut qu'on communique une fois pour toutes, qu'on arrête de penser. Il se fait tiquer, cette affaire-là. Qui nous envoie, eux autres, dépenser. D'accord? Tu le saisis. Tu réalises, puis tu réalises, puis tu réalises. Fait qu'éventuellement, tu ne penses plus. D'accord? À ce moment-là, ben, c'est qu'un travail qu'ils font dans ton mental, puis qu'ils font dans ton mental, qu'ils font dans ton mental. Là, tu ne peux rien faire. Tant qu'ils te fouettent le mental, là, tu ne peux rien faire. Mais tu le sais, au moins. Ils disent que là, c'est temps que les gens commencent à parler avec eux autres. Les gens savent assez, là, que les gens doivent commencer à parler avec eux autres. Vous allez commencer à être intelligent. On arrive à un tournant, là. Les vibrations des gens, des séminaristes, là, ça commence à être pas mal conscientisé. Ça va, là, les gens, comment? Demandez donc, vous, dans votre tête, comment ça va? Ouais. Vous n'avez pas besoin de fermer vos yeux. Allez vous ouvrir. Demandez donc si vous êtes intelligent. Oui. OK. Pourquoi? Tant vous. Oui, lui, c'est possible. Elle, c'est oui. Il y a différentes sortes de façons. Puis la façon qu'il vous répond, c'est la façon dont c'est la qualité de votre intelligence. Mal là, vous commencez à voir. Quelle voix intelligente? Quelle sorte d'intelligence vous avez? Mentale. Une intelligence mentale, OK. Demandez donc qu'est-ce qui diminue la. Demandez donc qui c'est qui diminue la précision de votre intelligence. L'orgueil. Ah! Ça vous permet de vous connaître? Comprenez? Fait qu'en réalisant ça, bon, écoutez bien. Demandez donc comment ça se détruit l'orgueil. C'est lui. L'émotion. Que je reçois, c'est émotion. Émotion. Okay. Même que l'émotion. OK, OK. Demandez donc encore comment ça se détruit, l'orgueil. À coup d'âge. À coup d'âge. Demandez donc quelle relation qu'il y a entre votre orgueil et votre émotivité. La même chose. Qu'est-ce que j'ai demandé? La relation entre l'orgueil et l'émotivité. OK, ça c'est intéressant. Demandez donc quelle sorte d'émotivité que vous avez. viscérale. OK. Demandez-donc si votre émotivité est réelle ou fausse. Demandez-donc si c'est ça qui crée l'orgueil de votre émotion. Demandez-donc si c'est ça qui empêche votre intelligence d'être précise. Oui. Puis comment est-ce qu'on détruit la fausse émotivité? On la ferme. On la ferme. Comment? Comme une lumière. Comme une lumière. Tu mets la hache dedans. Oui. Fait que ça vous permet de vous comprendre, de voir, de vous saisir. C'est rien que par eux autres qu'on peut se savoir. Puis là, on sait parfaitement, parce qu'il n'y a pas d'erreur possible. Fait que là, on grandit dans notre intelligence. T'as dit, d'après 5-10 ans, t'es au bout du bout. Tu comprends? T'as plus besoin de parler au monde.